Trompas. Le premier qui fait un tube. Le premier qui fait un tube. C'est un concours. Mmh. j'étais en solo. Ok, Darcy, paye. AM. You could change BPI. Just start first. AM. Karma, il s'y met en pause. Allez, Karma, fais péter là, le synthétiseur. Bienvenue à toi qui viens du longe, du lounge. Nous sommes en train d'essayer de faire une improvisation, mais on est en mode pause. Alors faut que tu sois patient. Toi, Philippe. Et il y a le roi du synthé qui est en pleine composition. Il nous a fait un truc pas mal quand même. Tu vois, le cerveau qui est en train de travailler. De suivre Karma. Mais Karma est en train de... Allez Karma, ça y est. Allez, rejoue-le. Ok. peut-être changer les mesures parce que ça fait long, 32, non? Et tu viens, Philippe, ou quoi? Bah oui, bah... Eh bien, toi, Philippe. Moi, je suis le chef d'orchestre. C'est Karma, le chef d'orchestre. Il est arrivé et il nous a pendu un truc direct. Je sais pas, non, mais fais-le comme tu sens. C'est en 32, essaye 32. Ça vient, Karma? Mais c'est pas ça. Casse-couille. Oh, c'est pas Johnny, c'est qui? C'est Tony. Bon. Thank you. Mm-hmm.